Alors, du coup, je me suis retrouvée avec, au bout du compte, un prélèvement de 756 euros. Hirurogeita hamabi urte ditu Francinek erretretan da, Baionara eta elbarrituen alokazioari esker bizi da gehienik. Diaz, hasi zen konturatzen gertatzen ari zenaz bere fakturetan, baina Orangen webgunea ez baita ikusmen horriko pertsoneri egokitua, senide bati galdegin behar izan dio laguntza, hain izebutroan aldako kidea. 2008-2008ko otsailean, jarri zizkioten hiru kontratu bere baimenik gabe eta berari deus eskatu gabe. Horron hiru kontratu bai telefonia mobilearen zat, bai interneten zat eta bai telebistaren zat, jakinez berak etzuela garai hartan mobilarik. Geroztik konturatu da 750 euro pagatu zituela orotara, baliatu ez zituen kontratu hauen zat, enpresa handi horren kontra indarrik gabe, Aldarengana itzuli zen Francine. On s'est clairement moqué de moi. Ils savaient pertinemment que je suis déficiente visuelle. C'est écrit noir sur blanc dans mon dossier. Donc ils savent très bien que je n'ai pas accès aux documents en ligne. Mais surtout, ce qui me désole, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation et puis qui n'osent pas s'affronter à une grosse entreprise comme ça. Hainbat itzordu egin ondoan, elkarteak erabakidu bertaratzea militanteekin eta dirua itzuli arte denda okupatzea, molde humoretsuan egin dute hori. 750 euros débités à ton insu. Orange est là. Un programme TV alors que tu es déficient visuel. Orange est là. Enpresaren eskualdeko arduradunarekin mintzatu ondoan. Et on va mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir alors, faire là, en sorte que c'est une issue favorable. Permettez-moi d'en douter, madame, puisque ça fait depuis le mois de juin que nous sommes sur le cas. Azkenean Orangen gaiatu da, hemendik urte bukerara, 750 euroak itzultzea Francineri, horrez gain faktura guziak brai idazkeran ere eskuratuko ditu. On est là, mais bon, seulement si vous en avez besoin. Orange est là.